السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا، قد جاءنا رجل وهو راغب في الإسلام يريد أن يعتنق الإسلام، فأهلا ومرحبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام ويثبتنا على الحق القديم. Avant d'entamer et de reprendre notre cours, il y a un homme qui nous est venu et qui souhaite embrasser l'Islam. On invoque donc Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur afin qu'il élargisse sa poitrine pour accepter l'Islam, tout comme nous lui demandons de nous raffermir sur cette vérité et de nous préserver sur ce sur quoi était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il est frère, vous pouvez avancer avec votre ami. Donc, il y a ici à ma gauche David, et je vais t'expliquer la personne qui souhaite entrer en islam, ce qu'il lui faut prononcer et ce qu'il lui faut avoir comme croyance. L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la seule religion qu'il agrée et accepte. Comme il nous le dit dans son livre, Inna ad-dina 'indallah al-islam, la religion chez Allah est l'islam. Et toute personne qui souhaiterait une autre religion pour se rapprocher d'Allah, Allah ne l'accepterait pas de lui. Et l'islam, c'est le fait de se soumettre à une divinité unique, de lui reconnaître l'adoration, le droit à l'adoration à lui seul sans associé. Aussi, tu dois reconnaître, tout comme tu reconnais que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala, et que tout ce qui adore en dehors de lui ne mérite pas l'adoration, tu dois aussi reconnaître que le dernier prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous reconnaissons l'ensemble des prophètes et messagers. Du premier messager envoyé, Nuh alayhi salam, Noé, jusqu'au dernier prophète et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme nous reconnaissons la prophétie de Moussa alayhi salam, Moïse, de Isa alayhi salam, Jésus, et de tous les prophètes qu'il y a eu avant eux. Naam. Et nous avons comme conviction et comme croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'enfant et que personne ne va lui succéder après lui. Je vais te dicter, ou plutôt je vais citer l'attestation de foi, et tu la répéteras, je vais l'expliquer avant cela. Donc celui qui désire entrer en islam dit « Ashhadu an la ilaha illallah » wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ce qui signifie j'atteste, je témoigne que Muhammad, que Allah est la seule divinité qui mérite d'être adorée. Et j'atteste, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Par cette parole, la personne entre en islam. D'accord? Tu dis après moi, Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, remercie Allah, celui qui t'a guidé à sa religion, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de toi cet islam et de te maintenir fermement sur cette vérité. Et on t'annonce la bonne nouvelle que celui qui entre en islam, Allah subhanahu wa ta'ala lui absout l'ensemble de ses fautes passées. Naam. Tout comme il te faut savoir que celui qui entre en islam doit accomplir 5 prières par jour. Et tes amis, ceux qui sont venus avec toi, vont te montrer comment faire la purification et comment accomplir la prière. Naam. Est-ce que il serait sage, à ton avis, de citer la croyance que tu avais auparavant? J'étais confession judaïque. D'accord. Auparavant, notre frère David, Naam, était de confession juive. Naam. Et qu'est-ce qui t'a poussé à entrer en islam? L'environnement dans lequel je me trouvais. Les fréquentations que tu avais? Je me suis fiancé il y a peu de temps. Naam. Ça fait 3 ans que je recherche vraiment. Pendant 3 ans, tu cherchais cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça n'est qu'un début et ta poitrine ne cessera, inshallah, de s'élargir pour accepter tout ce qu'Allah a révélé. Naam, ça ne fera qu'augmenter. Ta foi ne fera qu'augmenter, inshallah. Barakallah fi tariq. Hafidakallah. Sallallahu yubarika fik. Hafidakallah. Si tu veux, tu restes à ta place. Si tu veux, tu prends la mienne. Si tu veux, tu prends place avec tes frères. Naam. Hafidakallah. Barakallah fik. Naam. Alhamdulillah. ماذا رأينا في الدرس السابق؟ Qu'avons-nous vu la semaine passée? Andaman, تفضل. قصة أصحاب الأخدود. هذا كان درسنا؟ لا. أصحاب من؟ ها؟ قد أثرت فيك هذه القصة. Cette qissa, elle t'a marqué. Mais notre sujet de base est qissa tu ashab al-fil, l'histoire des gens de l'éléphant. Wahad al-am, et cette année, il y a eu un événement très particulier qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Qu'est-ce qui nous résume qissa tu al-fil? Qu'est-ce qui nous résume Qissatul Fil, l'histoire de l'éléphant. Naam Abdullah, tafaddal. Cette année qui est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajal. Naam. Naam. Naam. L'événement de l'histoire d'Al-Fil a une relation directe avec l'histoire de Ashab al-Ukhdud. Comment cela? Un homme qui se prénommait Zunwas. Naam. C'était le roi de Banu Himya. Naam. Ce roi avait un sorcier. Lorsque ce sorcier était un peu vieux, il demanda à ce que le roi lui envoie un enfant pour lui enseigner sa sorcellerie. Naam. L'enfant, en chemin, contre celui que le roi rencontra comme moi. Naam. Il lui enseigna les papiers. Non. Non. Non. Non. Et le truc outil qu'on le prend un peu, réfléchir sur l'or. Dans le roi présent, en pensant, l'enfant. Le roi, il a contraint l'enfant à lui dire d'où est-ce qu'il avait ses connaissances. Et auparavant, le moine lui avait dit de ne pas le dénoncer. Mais il n'a pu patienter, il l'a donc dénoncé, ce dernier se fit exécuter sur l'Iman. Par la suite, le roi a voulu contraindre l'enfant de sortir de sa religion, mais il est resté ferme. Donc il a envoyé ses gardes pour Amada, pour l'exécuter dans un premier temps en mer, un second temps au sommet d'une montagne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a préservé l'enfant. Au final, l'enfant a dit au roi, tu ne pourras mettre fin à ma vie si ce n'est en faisant ce que je vais te dire. Naam, tu vas prendre une flèche de mon carquois et tu diras Bismillah Rabbil Ghulam, au nom d'Allah le Seigneur de l'enfant, et tu me viseras de cette flèche. Il s'exécuta et en effet cette flèche toucha l'enfant près de la tempe. Lorsque les gens ont vu ce miracle, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Et c'est ce que redoutait par-dessus tout le roi. Donc il a fait creuser des tranchées, des fosses, et il a allumé un feu ardent. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit que les gens de Al-Ukhdud qui ont été donc assassinés de la sorte étaient environ 20 000 personnes. Ils étaient environ 20 000 personnes. Et n'a réussi à se sauver qu'une seule personne. Comment est-ce qu'elle se nomme? Comment? Daous. Daous Dhu Thalaban. Daous. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé et est parti voir le roi qui avait le même dîn que lui à la base. Wastansarahu. Il a cherché l'aide auprès de lui. Qu'a fait ce roi par la suite? Il a écrit à An-Najashi, Malikul Habasha. Pourquoi? Car c'était le plus proche de Najran, du Yémen. C'était le plus proche de Najran. An-Najashi a envoyé une armée et à leur tête deux commandants. An-Najashi a envoyé une armée pour renverser la royauté de Dhu Nuwas, et à leur tête il y avait deux généraux. Qui sont-ils? Abraha et Aryaqo. Abraha et Aryaqo. Il les a envoyés. Facilement, ils se sont débarrassés. Ils ont renversé la puissance de Dhu Nuwas. Et ce dernier s'est sauvé par la mer. On n'avait pas cité ça. Ce dernier s'est sauvé par la mer et il est mort. Ça c'est Dhu Nuwas. Donc on régnait sur Najran, ce peuple-là, avec à leur tête Abraha et Aryaqo. Si ce n'est que ces derniers ont divergé. Et chacun avait des suiveurs. Et plutôt que les deux groupes s'entretuent, l'un a proposé à l'autre un défi. En tête à tête, et celui qui gagne gouvernera sur l'ensemble, et l'ensemble de l'armée le suivra. Ils se sont battus et Aryaqo à un moment a pris le dessus sur Abraha, au point où il a réussi à le toucher de son épée. Il l'a touché au visage, il l'a balafré au nez et à la bouche. C'est pour cela que Abraha est surnommé Al-Ashram, Al-Athram, le balafré. Lorsque Aryaqo a pris le dessus, un lame du groupe de Abraha, Naam, lui a sauté dessus. Vous connaissez ça ou pas? Vous avez compris ce que j'ai dit? À la base, qui se bat? Abraha et Arya. Lorsque Abraha a été en difficulté, un de ceux qui étaient pour Abraha a sauté sur Arya et à deux, ils l'ont tué. Donc, man istaqalla bil mulk, qu'est-ce qui, au final, a régné seul? Abraha. Mais lorsque cette information est remontée à Najashi, ça l'a mise en colère. Ça l'a mise en colère. Et il a juré qu'il allait marcher sur la terre du Yémen, de Najran, et qu'il allait écraser la tête de Abraha. Abraha a pris un récipient qu'il a rempli de terre. Et il l'a fait envoyer à Najashi avec de l'or, avec des cadeaux, et il lui a dit, marche sur cela, Naam, et j'ai mis mon front dessus, afin que tu honores ton serment. Afin que tu honores ton serment. Quant à moi, je suis, et allez dans ton obéissance, et ainsi de suite. Najashi, lorsqu'il a reçu ce message, ça lui a plu. Naam, ça lui a plu. Et il s'est réjoui du comportement de Abraha, et il l'a laissé à son poste. Il l'a laissé à son poste. Puis, Najashi, ou plutôt Abraha, a dit à Najashi qu'il allait lui construire une grande bâtisse, une grande église que personne auparavant n'avait faite. Il a dépensé énormément et cela à Sana'a, la capitale du Yémen. À Sana'a. Il lui a dit, en faisant cela, on va détourner les Arabes. Et on va les tirer vers nous. Car chaque année, les Arabes convergeaient vers Al-Ka'aba. Naam, il y avait le Hajj, et ainsi de suite. Et comment est-ce qu'ils ont appelé cette église? Naam. Al-Qulays. Pourquoi? Naam. Comment? En référence à Al-Qulansuwa. Pourquoi? Naam, elle était tellement élevée que lorsque la personne la regardait, il s'en fallait de peu pour qu'elle soit tombe. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée Al-Qulays. Les Arabes l'ont appelée ainsi. Par la suite, Mada, donc Abraha, Al-Ashram a été surnommé ainsi suite à la balafre qu'il avait reçue au visage. Al-Arab radibu alayhi radaban shadida. Ça a mis les Arabes dans une grande colère. Le fait qu'ils lancent un défi et le fait qu'ils tentent de détourner les gens de l'Kaaba, Naam Baytullah al-Haram, subhanahu wa ta'ala. Et cette information est parvenue à Quraysh. Alors l'un d'entre eux est arrivé dans cet endroit-là, Sana'a, et de nuit il est entré dans le Qulays et a fait ses besoins. Il a fait ses besoins. Lorsque cette information est remontée à Najashi, cela l'a mis dans une grande colère et il a juré qu'il allait se rendre, lorsqu'on l'informa de qui a fait cela, c'était quelqu'un de Quraysh, il a juré de se rendre à Mecca et de détruire la Kaaba et de la faire tomber, de faire tomber ses pierres les unes après les autres. Les unes après les autres. Il a donc levé une armée immense et Najashi lui a envoyé également de l'aide et tout particulièrement un éléphant immense qu'ils appelaient comment? Mahmoud. Donc Abraha a pris la direction du Hijaz avec un Jaish Azim Kafis Aramram avec une armée comme on n'avait jamais vu. Et appuyé par des éléphants, et ça n'était pas une chose connue chez les Arabes. Personne n'arriva à le stopper, et peu sont ceux qui ont essayé cela. En chemin, j'ajoute cela, c'est les paroles d'Ibn Kathir, ta'ala. En chemin, il y a un homme du Yémen, min ahli al-Yémen. En chemin, un homme min ahli al-Yémen, et parmi leurs dirigeants et leurs rois, est sorti avec une partie de son peuple, et ceux qui parmi les tribus arabes avaient accepté de défendre Al-Ka'aba et de repousser Abraha. Cet homme-là se nomme Dhu Nafar. Cet homme-là se nomme Dhu Nafar. Donc lui, ainsi qu'une partie de son peuple et de différentes tribus arabes, ont essayé de le combattre. Si ce n'est que Abraha les a renversés. Et ici, tu vois que ces gens-là avaient une raïra, ils avaient une jalousie pour Al-Ka'aba. Ils avaient une jalousie pour Al-Ka'aba. Et ils protégeaient Baytullah al-Haram. Na'am. Et parmi les choses les plus étonnantes à notre époque, que de trouver des gens qui se réclament de l'islam, na'am, et qui disent, on va venir à Al-Ka'aba, on va attaquer le Ka'aba, et on va renverser, et on va faire. Qui sont ceux qui prononcent ces paroles-là? Al-Rafida. Qabbahahumullah. Al-Rafida. Na'am. Disent, na'am, qu'ils vont attaquer le Ka'aba, et qu'ils vont faire. Ha'oula kuffar Quraysh. Na'am. Kuffar Quraysh ne sont pas des musulmans. Malgré ça, ils ont plus de raïra, na'am, pour la maison sacrée, qu'en ont ces gens-là qui se réclament de l'islam. Na'am. Allah al-musta'an. Fa kayfa bidha, yani kayfa ma'a dhalik naqul bi annahum min ahli l'islam. Comment avec cela on pourrait dire qu'ils font partie, yani des gens de l'islam? Al-rafidha laysu min al-islam fi shay. Na'am. Al-rafidha ne font même pas partie des sectes, yani des 63 sectes. Ou des 62 sectes, et en s'affiliant à l'islam, ayant une part d'islam, mais qui sont tombés dans l'innovation, parmi les gens de la bid'a. Na'am. Al-Rafida sont sortis de ces groupes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des kufriyat. Na'am. Pourquoi? Car ils ont des kufriyat. Na'am. 72. Na'am. Barakallahu fik. Al-Rafida, eux, sont sortis du din, c'est-à-dire aslu din, aslu l'iman, par lequel ta foi est authentique, par lequel tu as l'islam. Na'am, cela ils ne l'ont pas. Limadha? Li'annahum mushrikoun. Pourquoi? Car ce sont des mushrikoun. Car ce sont des associateurs, ils ont du shirk majeur. Ala kulli hal, Dhu Nafar et une partie de son peuple et d'autres tribus ont essayé de repousser Abraha et de le combattre, mais il les a renversés. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. Al-Najashi, Abraha les a donc renversés, et il a gardé Dhu Nafar. Il ne l'a pas tué, il l'a gardé. Na'am. Pourquoi? Afin qu'il lui montre, il l'a pris en captif, Asarahu, et il a avancé jusqu'à arriver à Khath'am, un endroit. À cet endroit-là, il y a un autre qui a essayé de le combattre. Il y a une autre personne qui a essayé de le combattre, qui s'appelle Nufayl ibn Habib. Il s'appelle Nufayl ibn Habib. Al-Khash'ami. Et donc, avec différentes tribus, il a essayé de combattre Abraha. Il les a également vaincus. Et il a pris également captif leur chef, Nufayl ibn Habib. Et par la suite, il a voulu l'exécuter, si ce n'est qu'il l'a, yani, il l'a laissé en vie par la suite, et il lui a dit, il l'a utilisé en tant que dalil, il l'a utilisé en tant que guide pour lui montrer le chemin jusqu'à atteindre Al-Hijaz. Arrivé proche de Mecca, ou arrivé proche de Taif, les gens de Taif sont sortis vers Abraha et son armée. Et à Taif, il y a une divinité divinisée par les Arabes, qui est qui? Al-Lat. Na'am. Une des plus grandes divinités chez les associateurs de l'époque. Afaraytum al-Lat wal-Uzza wa manat al-thalithat al-ukhra. Donc, les gens de Thaqif sont sortis. Thaqif, c'est la tribu qui était à Taif. Ils sont sortis vers lui. Et ils lui ont souhaité la bienvenue et ils ne l'ont pas combattu. Pire encore, ils ont mis à son service le pire d'entre eux, pour qu'il leur montre le chemin et les aide, pourvu qu'ils ne s'en prennent pas à Allat, qu'ils adorent en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment se nomme cet homme? Comment se nomme cet homme qui a l'humiliation de ce peuple et qui est devenu un exemple dans la traîtrise, la lâcheté, et j'en passe. Naam. Abu Rughal ou bien Righal. Naam. Cet homme-là leur a donc montré le chemin. Lorsque Abraha et son armée sont arrivés à un endroit qu'on appelle El Muhammas, proche de Mecca, il s'est arrêté un instant et certaines délégations ont pillé certaines richesses appartenant à Quraysh. Entre autres, les bestiaux, les chameaux. Parmi eux, 200 chameaux appartenant à qui? Abdul Muttalib. Qui est Abdul Muttalib? Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Abraha a envoyé un de ses émissaires à Mecca afin qu'il revienne avec le plus noble d'entre eux. Il a demandé à parler à leur tête. Ils l'ont envoyé vers qui? Abdul Muttalib. Le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Sayyidu al-Arab wa Quraysh fi hadha al-Zaman. Il est venu et il leur a dit que Abraha l'envoie et qu'il n'est pas venu pour les combattre, sauf ceux qui s'interposeront entre lui et la destruction de la Kaaba, et qu'il l'envoie pour lui apporter, venir à lui avec le plus noble de leur peuple. Ils ont donc désigné Abdul Muttalib. Abdul Muttalib est donc revenu avec cet homme. Et lorsque Abdul Muttalib a vu, lorsque Abraha a vu Abdul Muttalib, habahu, il l'a redouté. Naam. Et Abdul Muttalib était un homme ayant une très belle apparence et ayant une haïba. Yani c'était quelqu'un d'impressionnant. Lorsqu'il entra où se trouvait Abraha s'est assis avec lui sur le sol. Il s'est assis avec lui sur le sol. Non, pas comme restent les rois, sur la chair et la personne debout ou au sol. Il est descendu avec lui au sol. Puis il lui a dit, donc il y avait un traducteur, il a dit au traducteur, demande-lui ma hajatuk, de quoi est-ce que tu as besoin? Il lui a répondu, donc Abdul Muttalib a répondu à Abraha. J'ai oublié une parole de Abdul Muttalib. Lorsque l'émissaire lui est venu, il a dit, Wallahi ma nuridu harba, wa ma lana bidhalika min taqa. A dit, par Allah, on ne veut pas le combattre. Et nous n'avons pas la capacité de le faire. هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام. Voici la maison sacrée d'Allah, la maison bâtie par son bien-aimé Ibrahim. فإن يمنعه منه فهو بيته وحرامه. Si Allah préserve le haram, le territoire sacré, le Kaaba, de Abraha, alors c'est sa demeure et c'est son territoire sacré. Et si Allah décide de le laisser faire, par Allah, nous n'avons pas la capacité ou nous n'allons pas défendre cela. Alors l'émissaire a dit, suis-moi. Lorsque Abraha a vu Abd al-Muttalib, il l'a redouté et lui a accorder une grande place plutôt. Il s'est assis avec lui au sol et il lui a dit, il a demandé au turjuman, au traducteur, demande-lui ma hajatu, quel est ton besoin? Alors Abdul Muttalib a dit au traducteur, inna hajati an yarud alayya madha al maliku mi'atay ba'ir ou ibili. Mon besoin à moi, c'est que le roi me rende mes 200 chameaux qu'ils m'ont pris. Khala Abraha al-Turjuman. Alors Abraha a dit au traducteur, dis-lui, lorsque je t'ai vu, je t'ai redouté. Mais tatruku bayt Allah ou bayt Rabbik. Il lui a dit, tatruku al-bayt, tu délaisses la demeure. يعني الكعبة يسوى حرام وهو دينك ودين آبائك وأجدادك وتحدثني في البعير il lui a dit tu délaisses la Kaaba, le territoire sacré, ta religion et la religion de tes ancêtres pour venir me parler de 200 chameaux. Puis il lui a dit une phrase comme on dirait tu es tombé de mes yeux, tu n'as plus de valeur auprès de moi. فقال له عبد المطلب. Donc عبد المطلب lui a dit إني أنا رب الإبل. Quant à moi, je suis le propriétaire des chameaux. Quant à moi, je suis le propriétaire des chameaux. وإن للبيت ربا. Quant à la maison sacrée, elle a un seigneur. سيمنعه. Qui le préservera. Et Abraham a répondu مَا كَانَ لِيَمْتَنِعَ مِنْ il pourra pas m'en empêcher. Il ne pourra pas m'en empêcher. Donc Abraha répond cela lorsqu'on lui dit qu'Allah Azza wa Jal va préserver sa demeure. Abdul Muttalib a répondu أَنْتَ وَذَاك yani, en gros, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. فَرَدَّ عَلِي الْإِبِلِ il lui a rendu ses chameaux. Puis Abdul Muttalib est sorti, il est parti retrouver Quraysh et il leur a dit sortez de Mecca et montez dans les montagnes. Avant cela, il s'est rapproché de la Kaaba et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Il s'est collé à la Kaaba et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Car lorsqu'ils étaient dans la difficulté, ils adoraient Allah azza wa jal d'un culte sincère. Puis ils sont sortis. Au matin, Abraha s'est dirigé vers, en direction de la Kaaba pour la détruire, accompagné des éléphants, et son but, son plan était d'attacher des chaînes aux quatre coins de la Kaaba et que les éléphants tirent ces chaînes pour détruire Al-Kaaba. Wallah musta'an. Si ce n'est qu'en chemin, Nufayl ibn Habib, qui était captif, s'est rapproché de l'oreille de l'éléphant, celui qui était en tant que guide, le grand éléphant Mahmoud, et il lui a dit dans l'oreille, il lui a ordonné de s'accroupir. Il lui a ordonné de s'accroupir. Et l'éléphant, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, s'est arrêté. Et il ne voulait plus avancer en direction de la Kaaba. Puis, il s'est mis au sol. Abraha a tout fait pour le faire avancer. Ils l'ont frappé, ils lui ont fait, mais il n'y avait rien à faire. Lorsqu'il le faisait se diriger vers, vers Al-Mashriq, Naam, il avançait et il courait même. Et vers Al-Shamal, il faisait la même chose. Mais lorsqu'on le dirigeait vers Al-Kaaba, il s'arrêtait et il se mettait au sol. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, et Nufayl s'est sauvé. Il a réussi à se sauver, il a rejoint Quraysh. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux arrivant de la mer, et chaque oiseau avait dans ses griffes deux pierres et dans son bec une pierre, et ils sont arrivés en groupe alignés des lignes successives, et ils ont lancé leur pierre sur le groupe de Abraha. Et chaque personne qui était touchée décédait sur le coup. Naam, au point où il fut dit que la pierre entrait par la bouche et elle sortait par le derrière. Quant à une minorité d'entre eux, ils se sont sauvés, à l'image de Abraha, et ceux qui ont agi de la sorte, leurs membres se décomposaient et tombaient littéralement. Ils se sont sauvés et ils perdaient leurs membres en chemin, et ils mouraient ainsi. C'est ce qui est arrivé à Abraha. Donc chaque personne qui a été touchée est décédée sur le coup, et ceux qui ont fui sont morts en chemin. Et Abraha fit partie de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc préservé la destruction de la Kaaba cette année dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Reprenons là les vers de poésie. Alhamdulillah al-Qadim al-Bari, thumma salatuhu ala al-Mukhtari, wa ba'duha kasirat al-Rasuli, manzumatan mujazat al-Fusuli. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور الثاني عشر في يوم الاثنين طلوع فجر ووافق العشر من نيسان وقبله حين أبيه حان. On a déjà cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa naissance, son père était déjà décédé. على الصحيح, son père est décédé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Wa hadha a'la darajatil yutm. Et les savants disent que ceci est le niveau le plus haut, na'am, de l'orphelin. Le niveau le plus haut de l'orphelin, c'est qu'au moment de naître, na'am, il ne voit pas son père. Il n'est pas son père. Sachant que l'orphelin, la définition de l'orphelin, est celui qui perd son père avant la puberté. Avant la puberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, à sa naissance, son père n'était plus là. À sa naissance, son père n'était plus là. Puis Ibn Abil Izzah, rahimahullah ta'ala, nous dit, wa ba'da amayni ghada Fatima. Après 2 ans, il a été sevré. Après 2 ans, il a été sevré. Ja'at bihi murdi'uhu salima. Sa, celle qui l'allaitait est revenue avec lui, salima, yani, en bonne santé. Na'am. Sans aucun défaut physique. Et il était en bonne santé. Halimatun li ummihi wa adat. Ici, nous avons le nom d'une de ces murdi'at. Comment elle se prénomme? Halima. Halima. Halima est revenue après avoir sevré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est revenue à Mecca pour rendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, car son rôle à elle était de l'allaiter. وعادت به لأهلها كما أرادت. Si ce n'est qu'elle, en réalité, elle voulait pas le rendre. De par ce qu'elle a vu comme baraka, de par ce qu'elle a eu comme lien avec lui, et elle l'a aimé énormément. Elle s'est attachée à lui énormément. Donc, son but, c'était de convaincre la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam de le lui laisser encore. Et c'est ce que signifie le deuxième vers bihi li ahliha kama aradat. Kama aradat, comme elle l'a voulu. À la base même, lorsqu'elle est revenue à Mecca, elle voulait pas le rendre. Elle voulait convaincre sa famille de lui laisser. Naam. Et dans certains textes, on trouve qu'elle a argumenté en disant qu'à, yani, chez Bani Sa'd, le climat est bon, l'air est pur, alors qu'à Mecca, c'était connu pour les épidémies. Une des causes pour laquelle on prenait des nourrices, une des causes pour laquelle on prenait des femmes qui allaitent, na'am, c'est pour éloigner les enfants des épidémies qu'il y avait à Mecca. Pour éloigner les enfants des épidémies qu'il y avait à Mecca. Et cela nous amène à ce sujet. Murdi'atu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous notez le premier point. celles qui ont allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celles qui ont allaité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc après 2 ans, Ibn Abi al-Izz nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sevré. Donc il a été allaité à la perfection. Allah nous dit dans le Coran, « وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ » Celles qui allaitent leurs enfants 2 années complètes. Naam, ça c'est la perfection dans l'allaitement. « لِمَنْ أَرَادَ يُتِيمَ الرَّضَعَ » Pour celui qui veut compléter l'allaitement. « مُرْضِعَاتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Qui sont « مُرْضِعَاتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ » Premièrement, عندما حليمة آمنة حليمة نعم ثويبة طيب la première vous notez أمه sa mère آمنة بنت وهب puis عند من كما دي الأخ كما بثاء ثويبة كي est-elle donc la deuxième vous notez ثويبة كي était-elle كي a étudié السيرة avec notre frère Sadaq وفقه الله. Je n'ai pas dit qui a assisté, qui a étudié. Allahu Akbar. D'entre vous tous, personne n'a assisté? Ajib, peut-être que vous habitez tous loin. Hein? Donc, j'ai assisté. Hey. Tayyib, comment s'appelle celle qui a... Et qui était Thuwaiba? La servante. Ahsant. Ya Mawlatu. L'iman, l'Abi Lahab, c'était la servante de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thuwaiba a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notez qu'elle a également allaité l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hamza. Wadah. Donc Hamza est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est aussi son frère de lait. Mafhoum? C'est aussi son frère de lait. Et un troisième sahabi qu'elle a allaité, c'est donc aussi le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-il? Endaman. Sahib sunnah yahfaz min al-Qur'an wa min al-sunnah wa min al-fiqh wa min al-sira. Naam. ومن اللغة ومن النحو ومن الصرف نعم علي عند من لا ceux que vous me citez ils étaient pas nés نعم donc لا عند من؟ أبو سلمة أبو سلمة دونك ثويبة هي مولاة أبي لهب سي لا سيرفون دو أبو لهب إل أليتي لو بروفيس صلى الله عليه وسلم تو كما إل أليتي حمزة سون أونكل تو كما أليتي إل أليتي أبو سلمة. Dans le recueil de yani fi sahihayn, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, an ummi habiba. An ummi habiba. Qui est ummi habiba? Bint Abi Sufyan, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qalat ya Rasulallah, inkih ukhti wa fi riwaya 'azza. Ummu habiba, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit au messager d'Allah, épouse ma sœur. Naam, en dehors de Sahihain, Azza, ma sœur, Azza, la fille d'Abu Sufyan. فَقَالَ لَهَا تُحِبِّنَا ذَلِكَ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aimerais-tu cela? Vous avez compris la scène? C'est son épouse qui lui dit, épouse telle, une telle, ma sœur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, أَتُحِبِّنَا ذَلِكَ Est-ce que tu aimerais cela? قَالَتْ نَعَمْ Elle lui a dit, oui. لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَا Elle lui a dit, de toute façon, je ne serai pas seule avec toi. Yani, tu épouses des femmes. Je ne serai pas la seule. وَأُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي Et celle pour qui je veux le plus le bien, yani qu'elle s'associe à moi dans ce bien, c'est ma propre sœur. Est-ce que vous avez compris la raison qui l'a poussée à faire cela? Par la suite, فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّنِي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ceci ne m'est pas permis. Naam, c'est interdit dans l'islam d'épouser deux sœurs. En même temps, c'est interdit dans l'islam d'épouser deux sœurs en même temps. Si l'une décède par la suite, ou il se sépare par la suite, il sera licite d'épouser l'autre. Comme ça arrivait pour qui? Othman avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qultu, Ummu Habiba nous dit, j'ai dit, فَإِنَّا نُحَدِّثُ Il se dit que أَنَّكَ تُرِيدَ أَن تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَ Naam, on raconte que tu veux épouser la fille de Abu Salama. Pourquoi est-ce qu'elle s'est avancée pour lui dire épouse ma sœur? Car il a été dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention d'épouser la fille de Abu Salama. La fille de Abu Salama. Qala sallallahu alayhi wa sallam bintu Abi Salama, la fille de Abu Salama. Qalat Ummu Habiba, na'am. Ummu Habiba lui a dit oui. Qala lawla ou qala law annaha lam takun rabibati fi hijri ma halat li. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand bien même elle n'avait pas été ma belle-fille. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Abu Salama, a épousé Ummu Salama. Et il avait donc chez lui la fille de Ummu Salama. C'est ça, belle-fille, c'est ainsi qu'on dit. Donc, Al-Rabiba, naam, elle n'était pas licite. Celui qui épouse une fille, sa mère lui devient illicite. Il devient un mahram pour sa mère. Il peut voyager avec elle et ainsi de suite. D'accord? Et celui qui consomme le mariage avec son épouse qui est la mère d'une fille, vous avez suivi? Elle lui devient illicite. Comment est-ce qu'on appelle cette fille? Al-Rabiba. Est-ce que c'est compris? La belle fille, on l'appelle Al-Rabiba. Elle n'est pas licite à l'époux de la mère. Une mère divorcée est épousée par un homme par la suite. Ou une mère veuve est épousée par un homme par la suite. Elle a des enfants. Naam, elle a des filles. Ces filles, suite à la consommation du mariage, deviennent interdites à cet homme. Il devient pour elle un mahram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même sans cette raison, déjà ça c'est une raison qui me la rend interdite. Mais même sans cette raison, et ça nous amène au shahid, pourquoi est-ce qu'on cite ce hadith? Innaha ibnatu akhi min ar-rava'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la fille de mon frère de lait. C'est la fille de mon frère de lait. De qui s'agit-il? Abu Salama. Puis il a dit, arda'atni. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. القبيل صلى الله عليه وسلم قال وهذا هو الشاهد ثويبة ما قالت موا وأبا سلمة. donc c'est son frère de lait et cette fille et donc sa fille de lait. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ne me proposez donc pas vos sœurs ni vos filles. On a cité Amina, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, on a cité Thuwaiba. Naam. Si Allah Azza wa Jal allonge notre vie jusqu'à qu'on étudie encore la sirah, ou que vous étudiez la sirah avec d'autres personnes. Naam. Avec Yanis, par exemple, Hafidhahullah Ta'ala, lorsqu'il va devenir notre shaykh. Naam. Ou Abdurrahman, ou d'autres. Naam. Ou Ibrahim, qui joue. Hafidhahullah Ta'ala. Naam. Et qu'il vous pose la question, qui sont Murdi'atul Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et qu'ils vous disent, n'avez-vous pas assisté à tel cours? Tout le monde lèvera la main, inshallah, et tout le monde va répondre. Allez, ça, kadhalik? Naam, vous n'êtes pas d'accord? Alors, on ne dit pas naam, si on n'est pas d'accord, on dit quoi? Mohammed? Bala? Naam, barakallahu fik. Donc, la première est? Halima. C'est ça? Amina. La deuxième, Thuwaiba. Qui est Thuwaiba? Maulatu Abi Lahab. Abi Lahab. Taïb. La troisième, celle dont le nom est répandu et connu. Man. Manhi. Halima tu Sa'diya, min Bani Sa'd. La troisième se nomme Halima et c'est celle dont le nom est répandu et connu. Tayyib. Halima a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est rentré dans son peuple. Elle a parfaitement pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a allaité jusqu'à 2 ans. Elle a eu beaucoup de khayr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses jours étaient, yani des bons jours avec lui alayhi salatu wa sallam. Elle s'est attachée à lui et lorsqu'elle l'a sevré, elle l'a ramené comme c'était convenu à sa mère. Mais elle a insisté pour qu'elle lui laisse. Chose qu'elle accepta. Elle est revenue à nouveau chez Banu Sa'd avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Jusqu'à ses quatre ans. Naam. Et à ses 4 ans passés, il y a eu un événement historique dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel est cet événement? Et ça nous amène au deuxième point de la soirée. Endak. L'ouverture de la poitrine. Ça, c'est la poitrine? Pourquoi tu montes ton épaule, tu me dis l'ouverture de la poitrine? Naam, shaqq al-sadr. Shaqq al-sadr. L'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qabla an natatarraqa ila dhalik, narji' qalilan wa natasa'al man hawadhim nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont celles qu'on appelle les nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi une nourrice? C'est celle qui garde l'enfant. Naam. Celle qui garde l'enfant, c'est ta nourrice. Wadih? Tayyib. Vous avez des nourrices ou vous ne connaissez pas? Vous me regardez comme ça. Naam. Chez nous, il y a beaucoup de nourrices. Naam. Donc, qui sont les nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elles sont plus que murdi'atu. Elles sont plus nombreuses que celles qui l'ont allaité. Donc on compte. Yani, sa mère. On peut citer sa mère. Amina. On peut citer qui ensuite? Thuwaiba. Ensuite, Halima. Et là on ajoute Ash-Shayma. Ash-Shayma. Qui était-elle? Naam. Celui qui trouve la réponse lui donne un cadeau. Qui était Shayma? Celui qui trouve la réponse, je lui donne un cadeau. Sadal. Comment? Non. frère a dit la femme de Abu Talib. Abdullah, t'as la réponse? Non? Indaman. Vous deux, vous avez la réponse? Toi aussi, t'as la réponse? Oui? Ami, ma'ak al-jawab? Ana ufaddil an takoun al-hadiyya laka. فلك هدية مني مع ذلك malgré ça tu auras un cadeau de ma part لأنك تستحق ذلك وأنت والدنا هنا في هذا المجلس أكرمك الله وإكرامك من إكرامي من إكرام الله سبحانه وتعالى إياك لأنه أمرنا بذلك جزاك الله خيرا تفضل c'est sa sœur de lait mais encore la fille de Je veux un mot précis qui a un rapport avec ce qu'on disait. Non? Maintenant, c'est facile de trouver les réponses. Comment tu fais? Tu prends le téléphone, tu as internet, personne t'accuse, défends-toi pas. Personne t'accuse. Non? Et tu appuies sur internet et tu sors la réponse. Mais les mains sont congelées. Donc répondez plus vite. Qui a la réponse? En rapport avec ce qu'on a dit. Al-Shayma hiya bintu Halima. Al-Shayma hiya bintu Halima. Al-Shayma, c'est une des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la fille de sa mère de la Halima. Wadih, t'avais la réponse? Oui. On a souvent la réponse quand on entend la réponse. Mais lui, il a levé la main avant la réponse. Voyez. Barakallahu fikum. Parmi elles, yani al-Shayma, طيب اخت العلماء اختلفوا هل اسلم ابوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. Les savants divergent. Est-ce que les parents de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont embrassé l'islam ou non? En parlant de Halima et de son époux. D'accord? Quant à Shayma, qui est la fille de Halima, elle a embrassé l'islam par la suite. Shayma a embrassé l'islam par la suite. Parmi celles qui l'ont, parmi ces nourrices, il y a également une femme très connue, Allahu Akbar, Umm Ayman. Atadruna man Umm Ayman? Savez-vous qui est Umm Ayman? Al-Habashiya. Umm Ayman est une des nourrices du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a eu de ses, suite au décès de son père. Elle s'est occupée de lui, elle le gardait. Il l'a marié à Zayd, sahabi très connu. Et d'elle, il a eu un sahabi très très connu. Le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Qui se nomme comment? Ali. Ali, c'est le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Mais le fils de Zayd. Naam, Oussama. Naam, Oussama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait énormément. Naam. Et lorsqu'on voulait, on voulait demander quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que la situation était périlleuse, naam, on envoyait Oussama. Et vous savez, dans une famille, naam, lorsqu'on a du mal à demander une chose au père ou lorsqu'on veut négocier une chose avec la mère, les enfants se réunissent et décident qui va aller adoucir les parents pour qu'on vienne par la suite demander. Et chez eux, on choisissait Oussama, radiallahu anhu. Yanis, on choisit qui c'est chez toi, toi ou Nuham? Hein? Si tu mets du temps, ça veut dire que c'est Nuham, khalas. Tayyib. Donc, Umm Ayman est une de celles qui a pris soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son enfance. Et il y a un hadith connu avec elle, ou une histoire connue, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abu Bakr un jour s'en est allé, et que Omar ibn Khattab lui a dit, il a Aïn, où te rends-tu? Il lui a dit, Ta'al, Nazuru Umma Ayman, kama kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yazuruha. Il lui a dit, viens avec moi afin que l'on visite Umma Ayman, comme le faisait de son vivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils sont partis la visiter. Naam. Et parmi, yani, et lors de, yani, ils sont venus, ils lui ont demandé de ses nouvelles, et ainsi de suite. Et Umma Ayman s'est mise à pleurer. Umma Ayman s'est mise à pleurer. Alors pour la tranquilliser, pour l'apaiser, ils lui ont dit, ne sais-tu pas que ce qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah est meilleur? Elle a dit, لقد علمت بأن ما عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم خير ولا أبكي على هذا وإنما أبكي على انقطاع الوحي. هذا كلام عظيم جدا. Elle a dit sans aucun doute, elle a dit assurément, je sais que ce qu'a le prophète صلى الله عليه وسلم auprès d'Allah est meilleur, et je ne pleure pas pour ça, mais je pleure car de par sa mort, la révélation s'est interrompue. Naam. Fafadat aina. Naam. Lorsque Abu Bakr lui a dit ça, ou bien Omar, lorsqu'elle a répondu ça, il a fondu en larmes. Et Omar a fondu en larmes par la suite. Elle a pleuré, ça. Ils ont essayé de la consoler. Lorsqu'elle a cité la cause, c'est eux qui ont pleuré par la suite. Naam. Et ça, c'est une parole azima jiddan d'une femme, yani qalbuha muta'alliq bil Qur'an. Naam, ça c'est une parole qui peut sortir que d'une femme, yani que d'une personne dont le cœur il est attaché au Qur'an. Yani regardez jusqu'où elle est partie. Naam, ça c'est pas une chose que tu peux trouver tout seul. Ça c'est un état du cœur, c'est une mahabba de la parole d'Allah Azza wa Jal du Qur'an. C'est un état du cœur qui a fait sortir ces paroles. Radiallahu anha. Puis, l'auteur, Ibn Abi al-Izz, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَبَعْدَ شَهْرَيْنِ شِقَاقُ بَطْنِهِ. Par la suite, l'auteur nous parle de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains ont dit que ceci a eu lieu à 2 ans. Nous avons dit que Halima est revenue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait quel âge? Il avait 2 ans. 2 mois après, certains ont dit qu'on lui a ouvert la poitrine. Puis, وَقِيلَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ مِنْ سِنِّهِ. Et il fut dit après 4 ans. Naam, de sa naissance. Pas 4 ans plus les 2 ans, non. Après 4 ans de sa naissance, c'est-à-dire à 4 ans. Certains ont dit à 2 ans passés, et d'autres ont dit 4 ans. Donc les savants ont divergé déjà sur ce point-là. À quel âge la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte? Et un des avis très forts est de dire à 4 ans. Pourquoi? Parce que certains hadiths nous montrent que la situation, il y a beaucoup de daf dans ces textes-là, mais ça nous montre que la situation était, le contexte était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti avec ses frères de lait pour s'occuper des bêtes. Naam. Pour s'occuper des bêtes, il y avait les moutons ou autres, et lui était avec les petits. Et les savants ont dit qu'un enfant de 2 ans ne peut pas se retrouver dans cette situation-là. Alors que l'enfant de 4 ans, oui. Alors que l'enfant de 4 ans, oui. Quant aux textes qui ont été cités, ils ne sont pas authentiques. Ce qui précise l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous disions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté durant 4 années chez Halima, chez Bani Saad. Et suite à cet événement, elle l'a ramené. Quel est cet événement? Allah subhanahu wa ta'ala nous en a parlé dans le Coran. Dans quelle sourate? Al-Sharh. Que nous a-t-il dit? Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Donc, cet événement, Allah Azza wa Jal y a fait référence dans le Coran. Quant à la Sunna, ça a été également cité de sources authentiques, comme dans Sahihayn, du moins dans Sahih Muslim, selon Anas ibn Malik, puis un autre hadith de Abu Dhar dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim. Et je vais vous lire les deux textes avec leur traduction. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman fa akhadhahu fa sar'ahu wa shaqqa an qalbihi فاستخرج القلب واستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره رواه مسلم وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طيب le premier hadith est le hadith de Anas ibn Malik. Il nous dit, donc déjà dans le Coran, nous avons lu dans sourate Al-Shah, au début de la sourate, Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous cite que ce point-là est au sens propre, c'est-à-dire qu'on lui a ouvert réellement telle une opération, mais aussi au sens figuré, dans le sens inshirah sadr. On t'a élargi ta poitrine, il y en a été mutma'in, t'as le cœur rempli d'iman, rempli de bien. On y a placé la sagesse et on l'a doté des meilleurs comportements. Donc Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit, Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec les enfants. Il l'a pris et l'a allongé. Il a sorti. Il a pris son cœur, duquel il a sorti un morceau de viande, et a dit, ceci est la part du shaitan te concernant. Ensuite, il a lavé le cœur dans un récipient d'or avec de l'eau de Zemzem. L'a remis à sa place, l'a plié, l'a remis à sa place. Les enfants sont allés, ou les enfants en courant, sont allés vers sa mère. Dans le hadith, lorsqu'on dit sa mère, c'est qui? Sa mère de lait. Naam, sa mère de l'air, Halima. Et on dit, certes, Mohammed a été assassiné. Ils sont donc allés vers lui, c'est-à-dire la famille, sont sortis. Ils sont donc allés vers lui alors que sa couleur avait changé. Anas radiallahu anhu a dit, je voyais certes la trace de cette ouverture sur son torse. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc ça, c'est un fait qui est réel, qui est avéré de par le Coran et de par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de source authentique. Les savants citent une mas'ala ici qui est kam marra shuqqa sadr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. À combien de reprises la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte? À combien de reprises la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte? Quant à la première fois, c'est cette fois-ci. À 4 ans, lorsqu'il était chez Halima al-Sa'diya. La deuxième fois, c'est qabla al-Isra'i wal-Mi'raj. C'est avant le voyage nocturne et l'ascension. C'est avant le voyage nocturne et la censure. Certains savants ont dit une seule fois, d'autres ont dit deux fois, d'autres ont dit plus. Naam. Mais de source sûre, à deux reprises, cela a eu lieu. Et ça a été appuyé par des grands savants. De source sûre, on peut affirmer de source sûre qu'à deux reprises, on a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a pris son cœur et on l'a lavé, on l'a rempli de bien et on l'a replacé dans sa poitrine. Naam. Ça, c'est une réalité sur laquelle il n'est pas permis de douter. Car Allah Azza wa Jal nous le cite dans le Coran, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, sahaba dans la sunna authentique. Quant à la deuxième fois, il y a le hadith de Abu Dharr, radiallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, قال, فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on l'a ouvert le toit de sa demeure alors qu'il se trouvait à la Mecque. Donc alors que j'étais à la Mecque, le plafond de ma maison a été fendu. Jibril est alors descendu et a fendu ma poitrine, puis l'a lavé avec de l'eau de Zamzam. Il est venu avec un récipient en or rempli de sagesse et de iman, de foi. Il l'a vidé dans ma poitrine. Après cela, il a pris ma main et m'a fait monter vers le ciel de ce bas-monde. Vers le ciel de ce bas-monde. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا رواه البخاري ومسلم. Ça c'est la seconde fois où la noble poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte. Les savants ont cité des sagesses de cela. Des sagesses de cela. Parmi les sagesses, le fait de le préparer à ne pas tomber dans l'erreur de par la grande mission qu'il attend. Naam. Donc, c'est pour préparer l'isma qu'ont les prophètes et messagers. Il a donc eu l'enfance la plus pure, l'adolescence la plus pieuse, jusqu'à recevoir la révélation. Jusqu'à recevoir la révélation. Allah Azza wa Jal lui a donc ajouté largesse de poitrine à ce qu'il avait de par la révélation. De par la révélation. Et c'est un des signes de la prophétie. Et c'était un des signes de la véracité de sa prophétie. Et lorsque la seconde fois, on fendit sa poitrine, certains savants ont dit que c'était pour le préparer, Naam, à recevoir les ordres d'Allah Azza wa Jal et à parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Car lors de Al-Mi'raj, lui ont été ordonnées les 50 salawat. Puis elles ont été allégées au nombre de 40, puis de 30, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 5 salawat fil yawmi wal layla. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui ouvra la poitrine à deux reprises. Wallahu a'la wa a'lam. Alhamdulillah wa ba'd. Par la suite, Ibn Abi al-Izzah rahimahullah ta'ala nous dit: wa ba'd, ou avant ça, donc après chaque sadr, c'est à ce moment-là que Halima, de peur de ne pas respecter le dépôt, cette grande amana qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a amené immédiatement, elle l'a ramené à Mecca. Elle l'a rendu à sa mère et elle lui a raconté ce qui s'était passé. Et sa mère n'a pas été grandement affolée. Elle était plutôt apaisée et était sereine quant au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être préservé. Et Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, nous allons étudier les prochains vers qui nous montrent qu'il y a eu par la suite le décès, donc 2 ans après le décès de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis c'est son oncle Abu, son grand-père Abdul Muttalib qui l'a recueilli, puis ce dernier également est décédé, c'est alors que son oncle Abu Talib l'a recueilli. Il y a eu son voyage vers Al-Sham, et on parlera aussi inshallah ta'ala des enfants, de son mariage avec Khadija et des enfants qu'il a eu inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Une chose que je corrige, on m'a informé que dans le nasab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'avais fait une faute lors de sa citation. Je n'ai plus le souvenir duquel de ses aïeux j'ai cité où il ne fallait pas. Donc je vais relire et ce sera corrigé, inshallah ta'ala, dans le premier ou plutôt dans le deuxième cours. Il y a une introduction, ensuite il y a le premier cours. On a parlé du nasab, de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudra corriger cela. Naam, il faudra corriger cela. Donc wa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معبد عفوا ابن معد ابن عدنان. نعم, j'ai plus le souvenir de la personne que j'avais intégrée, quoi qu'il en soit. Apparemment, il y a une erreur. Jazallahu khayran man nabbahani. Qu'Allah récompense celui qui m'a fait la remarque et qui me fera des remarques ou des corrections ou autres. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah en corrigera l'audio dans lequel il y avait la faute. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayra. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il y a une personne qui demande est-ce que l'eau de Zamzam c'est de l'eau du paradis. Allahu a'lam. Je ne sais pas.